tu me l'aurais dit, je l'aurais fait gaffe. Hein. Pourquoi Ah, mais t'inquiète. Ah non, j'aurais pu, ouais, mais je t'ai pas vu. Moi non plus, je t'ai pas vu. C'était un camion, je sais. J'étais prêt à tout installer quand je me suis rendu compte que l'ampli était dans la race de guitare. Mais... Moi, je vais aller voir le coin. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement le début de l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Plutôt que de faire une émission fin du monde, on va faire une émission début de la vie. La vie sur Nuisance vous encule, toujours comme d'habitude, c'est le soir ou jamais où il faut se faire sodomiser. La sodomie anale, bien sûr, anale, j'hésite pas. Donc j'aime ça, voilà, mettez-moi tout ce que vous voulez dans mon cul, s'il vous plaît. Pour ce début du monde, début de la vie, vive la vie, merde. Sur la charge, toxicité la plus haute, son micro. Et tu es passagère. Et vas-y, suis le courrier satisfactionnel. Comme la tangence de réponse récurrente. Alors que les chaudes expriment la fièvre, celle qui dévore tout sur le passage du carnage pour n'en laisser ni léser, car porter un coulé de désagréance punitive. Expédition auto-infligée comme maladie. La poussière puissante fait péter les têtes. Tout à coup, revenu à le spectre profond, c'est celui de la dinde qui se doit de l'animer de sang. Cette représentation de soi dans son fort intérieur avait déjà métamorphosé l'horreur du trauma des origines. Je sais bien que mon silence me protège et me rend fort. Le fracas du réel impose à ses enfants un mythe des origines. Le trauma les place en position de héros, d'enfants hors normes, de braves malheureux qui sont déjà vainqueurs. La contrainte au récit secret, au monde intime, où la honte d'avoir été humilié se mêle à la fierté d'en avoir triomphé, donne une apparence, une cohérence apparente au clivage. Je me tais pour être fort et non parce que j'ai honte. L'exigence de récits intimes les rend maîtres de leur passé. La mise en récit permet de réintroduire dans la temporalité, dans la représentation. Et par là de transformer la trace en pensée, la scène en scénario, la reviviscence en remémoration. Le récit héroïque prend un effet défensif. S'il ne fabriquait pas du mythe, ses enfants seraient dépersonnalisés par le trauma. Et comme l'événement traumatisant reste sans cesse présent dans leur mémoire, ils en font un récit qui métamorphose l'horreur. Une remémoration dont la mise en scène les rend maîtres de leur passé. C'est une légitime défense, bien sûr, mais c'est aussi un risque de délire. Si le théâtre du monde intime n'est jamais socialisé, il peut s'enfler, se renforcer, occuper toute la vie psychique et couper le monde, et couper du monde le petit blessé. Donc, l'enfant, après avoir été contraint au récit silencieux pour se personnaliser, est contraint à le socialiser pour ne pas délirer. Thank you. l'enfer est sur terre pour vous ce soir, toujours en nuisance. L'enfer. Merde. Ouais, dans le cul, ouais. Ouais, bon rôti. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Je suis tenu de vous annoncer que c'est l'émission Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens, sur les ondes du 92.2 FM toulousain ou du canal.sud, canalsud.net, pardon. Ou eh bien, le téléphone 05 61 53 36 95 est occupé pour l'instant dû à des perturbations sur la chaîne téléphonique, Nick. Et donc... le 21, si je ne m'abuse, décembre 2012, donc ça fait 21-12-2012, voilà, c'est le jour de beaucoup de... Ouais. Voilà, donc... C'est ce que je pensais aussi, et donc je suis en train de vous dire que je... Ensuite, donc, nuisance, oui. Et ensuite, pour finir, je veux dire, avant la suite. Voilà. Merci d'être avec nous. Merci. Voilà, donc je voudrais préciser une dernière chose quand même, quoi, il y a quelque chose à dire. Voilà. Donc si c'est possible de un peu baisser les postes, parce qu'il y a un peu trop de vacarme en décalé vis-à-vis du retour, je veux dire, vous dans vos voitures et dans vos postes restantes. Oui, vous. Donc je voudrais vous dire merci. Merci de baisser vos postes. J'aimerais parler de poutre. Ouais. Ouais, on t'entend. Tu m'entends? J'ai hâte de m'entendre. Je t'entends très mal. Je comprends pas ce qui se passe. Écoutez les mecs, c'est le dernier moment, hein. C'est maintenant ou jamais. Dans mon cul, ouais. Voilà, donc c'était une session d'improvisation libre par des esthètes de la première heure. Des esthètes de la première heure, donc, que je disais, qui ont tant de choses à dire, les esthètes. On a vraiment rien à dire, on en a fou de dire quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Donc les esthètes de la première heure ont tant de choses à dire sur les ondes. Dans mon cul. Je pense que le message est clair. Voilà. Donc on parlait de mon cul à cet instant. On parlait de mon cul, donc c'était possible. Non. Mais oui, tout est possible, on peut y mettre que tu veux, mec. Voilà, ça c'est sûr. Bon, bah, sur cette certitude qu'on peut mettre un donf de trucs dans mon fion, on peut-être réussir à faire quelque chose, je sais pas, tu vois. Attends, je vais faire du Larsen un peu. J'arrive. Ah mince, ah, j'ai pas fait exprès, pardon. Ah bon? Alors t'es con? Ouais, c'est con, j'ai raté mon tour. Il est où Gab? Il est là, en face de moi. Ah ouais, pourquoi il parle pas? Ah voilà. Il me disait bien qu'il y avait quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Ouais, ben on vous a entendu en tout cas. Hein. Ouais, ben on vous entend pas. En fait. Ouais, je sais, ouais. Ouais, on vous entend pas. Enfin, quand je dis qu'on vous entend, c'est par intermittence. C'est par intermittence qu'on vous entend. Hein. Ouais, voilà, dans le cul, ouais. Vas-y si tu veux, ouais, carrément, vas-y, fais comme tu sens et ben à plus tard les mecs. Si on se reparle pas, quoi. Quoi? Quoi? On entend, mais par... ça coupe à mort, quoi. Quoi? Tu rentres pas chez toi là? Non, pas tout de suite. D'ici. Ah, tu peux continuer peut-être encore une bonne demi-heure, je crois. Ok. Ça marche? Ouais, ouais. Vas-y, ben plus tard, je te raccrocherai au nez au bon moment, quoi. Ok. Ok. Quand tu le sens, quoi. Ça marche. Ciao, mec. À bientôt. Ouais. Ciao. C'est quoi le... C'est... There's something going on, we just don't know what it is. Just don't know what it is. Du cul et tout, et le mucus rectal. Je vois où est l'obsession, après moi. Après toi, je fais mon corps du temps. Passons le temps, un jour, et tu vas s'en rendre après cette famille. Je suis la vie de l'homme, si elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Un appris, un rappeur m'obsède. Et chaque jour en jour, je traverse le même je traverse 10 jours. Je crois que j'ai mal expliqué. Je crois que j'ai mal expliqué. Je suis un peu plus de temps. comme phrase de l'œuvre, comme de la pléride, des années 37, je vois la voie qui rature une émission mal assombrie par le métal légal et posant toutes les barrières de l'œuvre. Après que pour une jour, je sais que par le coup, je vois la voie de l'œuvre qui est mal assombrie. Autrui n'est pas toujours capable d'entendre un tel mythe des origines. Alors, l'enfant apprend le langage des adultes et utilise des circuits qui lui proposent sa culture pour socialiser sa tragédie. Si la culture ne dispose autour de l'enfant blessé d'aucune possibilité d'expression, le délire logique et le passage à l'acte fourniront des apaisements momentanés. L'extrémisme intellectuel, la délinquance politique ou les impulsions psychopathiques se manifestent régulièrement quand on oblige ces enfants à rester prisonniers de leur passé. Mais dès qu'on leur offre une possibilité d'expression, on voit naître des marginaux créateurs. D'ailleurs, tout créateur est forcément marginal, puisqu'il met dans la culture quelque chose qui n'y était pas avant lui. Or, ces enfants fracassés, les victimes d'inceste, où les petits maltraités ont déjà fait ce travail de marginalisation. Les petits blessés ont le choix entre le passage à l'acte ou l'innovation culturelle. C'est la culture ambiante qui les aiguillera. Shit is everywhere, shit is everything, it's all shit, it's the shitty pits of hell, means the same, you're dead. And that's why poetry is underrated, whereas doubt is chosen for ultimate significant representation of sorts, it's all featherweight. Et c'est la voix qui se représente, et c'est la voix qui se voit, ça se voit. Ça se voit bien, mais pendant que le ciel est rouge et bleu, et les horreurs inassurables. Ce sont elles qui sondent, ce son est d'une faveur désagréable. Ainsi que les ombres se relâchent inopinément, insubitement, subitement, les là, les ombrants, œuvrant à la merde qui atrophie la ciboulette qui sert de cerveau à ces gens-là, ces gens-là, ces gens-là sont genre comme ces gens si désœuvrés et inémancipés. Pourquoi craindre ce, pourquoi se craindre par prudence, voilà. C'est par la voix que le choix se fait, un coup et puis s'en vont dans le cul. Crever les abscons territoires, les tuer, détruire tous, tous. Oh oui, merde, je veux dérailler, je suis dans la merde, je me rattrape à l'hallucination, je vais crever vite et avec douceur, la cessation, ce profil d'un horizon, encore faut-il l'acceptation ou l'acception, merde, partout, dépénétrer un monde, y'a que ça de vrai, merde, chiotte. Le choix est d'une merde atrophiante, amalement, jusqu'à pourrir l'âme. Suce sa lame, sensibilité non attrayante, c'est la vie, j'y peux seulement jusqu'à ma limite, c'est la vie. Thank you. En blanc, en bleu, Rome. Gaëtan. Ah, d'ailleurs, ça tombe, tu l'as personne. Il y a que Kefai. Ouais, mais c'est la merde, hein, c'est... La merde, c'est-à-dire ? C'est la fin, quoi. C'est le fin du fin, mec. Bah non, il y a rien qui tourne. Rien qui tourne. Je crevais, merde. Ah, j'ai les allumés, attends. L'incompétence est de mise. Allô, c'est la fin pour vous? D'accord, mais faut quand même se réveiller au bout d'un moment. Les enfants, si vous m'entendez, réveillez-vous. Allô, c'est l'heure de l'anus. C'est rigolo, à la radio. C'est le vrai son de ma voix? Non, c'est pas ta voix, c'est la voix de quelqu'un d'autre en fait quand tu parles, t'inquiète. J'aime beaucoup. Bah bonjour. Je suis soudeur, 111, 135, 141, HLO 45, PF, ML, et je cherche un emploi en tant que soudeur dans le Tarn. Merci beaucoup d'écouter cette annonce. Je suis disponible immédiatement, sur un rayon de 1 heure de route autour de Massagal. Merci beaucoup. Merci à toi. Mon numéro de téléphone? Non, Ceci, le 01, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Je suis disponible dans les boîtes d'intérim de Castres et Revel. Merci beaucoup. Si vraiment ils cherchent, ils trouveront. Ouais, ils trouveront, t'inquiète, mec. T'as essayé ton nom au moins, c'est bon. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous écoutez Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Nuisance ce soir vous encule comme d'habitude et vous faites enculer par Nuisance comme d'habitude. Ouais, et c'est chiant comme d'habitude. Ça c'est sûr. D'habitude, ben, on verra ça quelque temps, mais sûrement s'en passer, j'espère. Quand on sera mort, ça devient un peu chiant quand même. Voilà. Ensuite, pour préciser la chose, allez vous faire enculer peut-être. Of an old battered seashore. A gas in a barrel load of ships hanging half risen before. The goddamn I got the top had a notch there. So call me if you want to. Je me mets, so's the way to solve an ashtray full of crap with a shit pieces. Je suis clean shit position. I just graduated from nothing. Si je veux, 'cause I'm like the worst of le mal at what I do best is the point of carnage. Jeu de jeu. Between you and me, consciousness is fucking so make I've seen war, I mean, on things and subsequent activities, like an old Chrysler smashed down to a dust, busted, out of its factory. Oui, fils de Fion. Sucks a big fucking dick. Piece of shit. Je vais l'échec, détendre son atmosphère, c'est évident. La pétition s'avale, le nom de la couche suprêmement. Dans la crainte se substituer à une confusion à l'avance, c'est là que la terre tourne. Mais comme l'enculé, what do you think? I'll believe you. No way. I gave up believing you. You spat on your face, fuck. That's all the same to me. Je suis la traversée. que je fais aussi. Thank you. accélération, départ plus anticipé. Le vol est donc, je subtilise l'énergie à perdre au demeurant si KO il y a, je le trouve dans un vase. Le monde, le paradoxe a fait une constitution de notre conscience et la pensée se met à vaguer et voguer au flux et reflux de la pensée moderne en elle-même, qui n'est qu'une constitution de pensée, et que le monde continuerait à fleurir sur des idéaux. Oh, l'idée, homme aux cheveux blancs. Oh, l'idée, toi qui as tué et meurtri nos ancêtres. Oh, l'idée qui construit la sagesse. Le monde se meurt. Et moi, je me meurs de mourir, car la vie n'est qu'une constitution d'événements, constituer un être, constituer des idées. Une constitution se met à prostituer nos êtres, de la pensée à l'acte. Le corps se mouve et l'acte devient une violation. Mais la pensée est contrôlée par des concepts, et les concepts sont conceptualisés par des êtres. À son dire, le cercle est bouclé, mais la boucle ne fait que continuer. De l'être pense, et de la pensée, l'être continuera à penser. Prospère, prospère, ou Procuste. Procuste qui allongeait des êtres sur son lit afin de les écarteler ou même à les découper. Un concept, une normalité. Un concept qui continuerait à découper nos êtres ou à les écarteler. Le monde ne se meurt que dans l'idée, que se meurt elle-même. Maman, pourquoi tu m'as fait? Se meurt, et le monde se naître. À se faire dans l'idée. La pensée encore se met à fleurir des petits continueront à rire jusqu'au jour où ils penseront. Penser en lui-même est une pensée qui pense les malades, les guerriers. Quand je jouis, je me pense le gland. quand je pense, je jouis. À ce penser, la fin de mon monde vient d'arriver. Je penserai, je pense là, mais je pense surtout à l'arrêt. Car l'arrêt est le trou, et le trou est le but. Alors pense-y, pensez là et pensez-y et continuez à penser. Et moi je suis seul et je pense encore. Parce que c'est cool et ça va bien à la pensée. À la pensée à nos morts et à la pensée à nos vivants. Enfermez-le, enfermez-le, enfermez-le, enfermez l'intrus, enfermez-le, enfermez-le. Une propagande justifiée, justifiée. Une petite chanson qui te laisse, ah, enfermez-le, enfermez-le. C'est lui qui délaisse tous les autres. Enfermez-le, enfermez-le. Un chanteur à deux balles le franc. Une monnaie qui se fut très courant il y a tant de temps. Mais l'Europe a construit une constitution en elle-même. Parce que la constitution et la pensée sont des concepts qui resteront et feront l'usure du temps. Car la Joconde n'a rien à voir avec cela. Ça continue, ça continue. On dirait un peu un faux-folin, un feu-ferrant, un feu-ferré, un ferré du felon. Un ferré-felon, un felon ferré. Ferré, oui, ferrez-le, car il faut l'arrêter, cet être qui est malicieux et est inadapté à une aisance. Aisance, non. Faites en sorte que les gens ne soient pas aisés, car l'aise fait à l'aise ce que l'aise n'aurait voulu qu'on lui fasse. En lapidant celui qui passe, nous ferons en sorte d'améliorer nos statistiques émotionnelles, constituant une progression progressiste dans un parti libéraliste ou libéral dû à une constituabite, et que la bite s'habite, que le monde continuerait à avancer dans une progression stabiliste. Alors, stabilisons et normalisons nos concepts, même si cela n'a ni queue ni tête, ou se comporte comme une sorte de partouze à la ferme, passant du coq à l'âne, sachant que l'âne en a une plus grosse et le coq est très étroit. Même si nous sommes dans une... oui, et il faut arrêter d'user de ce mot, c'est très mal poli et là, ça cesse... se cesse d'évoquer que il ne faut pas dire que nous emmerdons ce fameux animal. Alors, notre actualité aujourd'hui, nous allons parler de Jean-Jacques. Jean-Jacques a bu sa Jacqueline et Bertrand, lui, a plutôt préféré assimiler une très grande quantité de stupéfiants. Stupéfiants par sa pensée encore et encore et encore, ce pansement très usé, très... et attrayant envers ces médecins. Ils aiment beaucoup bandoler leurs victimes après les avoir découpées, délicatement pénétrer leur chair, retirer leur peau de leur corps d'une façon un peu plus délicate mais tout de même très sanglante. Une sorte de motif émotionnelle, constituée d'une pensée aussi un peu plus médicale, mais dans l'idée de leur donner une seconde vie à tous ces gens qui ont voulu donner la mort à leurs idées, ces poètes ou artistes de second niveau, dont le niveau en lui-même ne pourrait être jugé, continuerait à ce jour à dilapider leur repos. Et oui, et c'est difficile à croire, mais ça continue, ça continue. Les morts flottent et voguent sur notre Garonne. Garonne mère, Garonne père, Garonne et Garonne et Garonne et Garonne. Ça, c'est beau, ça fait vibrer nos neurones. Mais ça continuerait à créer des conflits envers certains. Confucius lui-même avait dit un jour « J'enculerai ta mère ». Mais c'était dans mon père qu'il disait cela. Lui-même ne voulait pas. Ma mère était bien trop moche et mon père souffrait trop de cela. C'est important. voulais dire que j'adorais la télévision, TF1 et même surtout les institutions. J'adore ça. La politique aussi, j'adore ça. J'aime beaucoup les médias. J'aime beaucoup aussi la publicité, surtout la publicité érotique. Comment on dit, pas mensongère, hein. Je veux pas dire mensongère, hein, parce que non, c'est pas des mensonges, c'est de l'illusion, et j'adore l'illustration de la publicité ou des médias en tout genre. J'adore beaucoup cette image que l'on se fait, des concepts moraux. J'adore ça, j'adore. Ça me fait vibrer et ça me permet d'exister. Ça me permet aussi de dire à mes amis que j'aime pas ça. Comme ça, en fait, eux, ils m'aiment. Ils m'adorent aussi, comme ça. Moi, j'adore, tu vois. J'adore tout le temps. Comme ça, en adoration, parce que quand j'adore, en fait, j'ai la foi. Et quand j'ai la foi, j'arrive à boire beaucoup. Et alors, comme ça, mon foie, il gonfle beaucoup. Et alors, je bois beaucoup. Et comme ça, en fait, j'ai une foi indétournable et une idéologie indestructible. C'est à partir de là, en fait, que j'adore. Et j'adore. Et Dieu sait comment j'adore. J'adore ton corps aussi. J'adore. En adoration, j'adorerais plus que l'adoration elle-même, parce que l'adoration, c'est pas grand-chose par rapport à ce que j'adore. Hein. Parce que moi, j'adore. Hein, ouais, ah ouais. Ah ouais, non mais adouber ça sert à rien, moi j'adore plus que ça, je veux dire, c'est pas j'aime comme sur d'autres des concepts un peu plus informatiques ou internetiques, non j'adore vraiment quoi, c'est pas, c'est comme en anglais où j'aime et j'adore, non là j'adore quoi, c'est du love quoi, c'est vraiment, c'est encore plus que la paix quoi, je veux dire, j'adore quoi, c'est j'adore quoi. Tu prends une chèvre et un terroriste, ben moi j'adore la chèvre, j'adore quoi. Alors, en fait après tu vois, je prends la chèvre comme ça, je la mets dans mes bras et je lui fais des gros câlins comme ça et vu qu'il vivra verra quoi, je l'adore quoi, tu vois, dans une adoration très très intime quoi, une adoration où le poil n'est pas vêtement et qu'il n'y a pas d'homme sans poil, de bouc, mais il n'y a pas de bouc émissaire qui est fait que j'adore, plus que j'adore quoi, c'est très très honorifique tout cela quoi, c'est j'adore, vraiment c'est dur, puissant, ça pénètre quoi, c'est sensible, mais qu'est-ce que j'adore quoi. Oh putain, j'adore ça quoi. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est parti, pas des mains, bah prix. Ici bas c'est clair, ici bas on paiera pas le prix. Pas le prix de cette putain de conneries qu'on continue à déballer encore une fois dans cette rue. C'est clair, ça barre en couillet. Et clair que les regarde au travers, frère. C'est clair que ça me saoule, encore une fois je parle de choses sincères, je reste sincère. Solidaire et affaire. Et c'est clair, je suis apeuré par tous les gens apeurés. Moutons de cette putain de société. Et le rail est parfait, pour ces gens là Moi je sors de là, je préfère être coté. Regardez ce qui se passe dans cette putain de société. C'est clair, c'est hardcore, je préfère être de décor. Et me dit qu'ici bas faut pas jouer les porcs. Je reste sincère et honnête et offert. Et au fait et en fait encore une fois sans en fait. Mais bon en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la fête? C'est clair où personne ne sait plus. Encore une fois pas déçu, je du rap à l'excès. Encore une fois je représente un freestyle qui n'a pas d'intérêt. Mais bon quoi, c'est clair je veux pas devenir un gros star. Rien à foutre ici bas, c'est clair que juste me débat. Bas au micro encore une fois en impro, en impré, en impète. Encore une fois c'est d'un pète. Pète quoi, c'est clair qu'on vient de délirer. C'est ouais. Ouais bah, y a pas à chier. Ouais, nuisance est là pour déblatérer. Comme d'habitude, on est là pour le rut anal. J'hésite pas, je te le mets, et je continue sans m'arrêter. Je te le mets encore et encore, je veux te le mettre jusqu'au bout. Je suis un loup et je te veux, et je t'aurai pas parce que je te veux pas. Finalement, je t'ai tué là. Ouais, c'est clair. C'est pas très clair, mais c'est comme ça. Tu fais n'importe quoi. Ouais. Mais à cette heure-là, je dirais que vraiment tout est clair. Rien à faire de ce qu'on a fait. Encore une fois, on vient faire ce qu'on a à faire. C'est clair qu'ici, bah, c'est pas l'enfer. Mais bon, ici, bah, les esprits sont libérés. Rien à foutre de ce qui se passe autour de nous. On pense pas à ce que va cogiter des légendes de nougat. Rien à foutre ici, bah, on n'est pas là pour faire des dégâts. On vient juste rigoler de cette putain de société. C'est blabla à terre. C'est clair à mourir par terre. C'est clair de rire quand je vois tous les gens faire. Mais bon, encore une fois, c'est clair, je reste sincère. Et rien à foutre ce soir, je me défonce à te taire. Bref, ici, bah, j'ai dit une chose mal. Rien à foutre encore une fois. C'est clair, je reste brutal et fatal. Et c'est clair qu'on continue d'assommer encore une fois, trop puissant le freestyle. Et mais bon, pourquoi? C'est clair que je continue, gars. Ouais. Dans un bout de terre, dans un bout de monde, et je t'envoie des refrains jusqu'au fond de l'univers. Des rimes. L'univers est grand. Encore une fois et deux fois et encore, la foi continuera à prospérer dans une exponentielle exultation. Et que l'être s'exulte de tout son mal-être. Et l'homme et la femme, l'homme, même si un grand H, la paix, comme une croix immaculée. Non, l'homme avec son grand H. Coup de hache, tu rentres dans une improvisation un peu incongrue. Et tu continueras comme une sorte de grue à improviser sur le monde terrestre. Je suis Dieu divin, le monde vient de se mettre à soumettre mon être. Même moi qui subis les fouets d'une société moderne. Constitution immaculée, mais oui, on continuera à se constituer. Ou même à créer une... Une de plus. Une micro pointe dans le cul. Une de plus. Ta seringue et fous un doigt dans le cul. Enculé de bâtard. Une de plus. Merde, moi je te donne pas de thunes. Une de plus. Calme toi, ce que tu veux, c'est que tu es là. Une de plus. Les paroles s'en va et les restes que les cris. Moi un jour j'ai rencontré Jésus qui écrit. Il a crié quand il m'a raconté. Il m'a raconté que quand il était tout petit, il s'était fait violer. Par qui? Par Dieu divin. Il a pris en ermite, l'a sodomisé d'une façon très brutale et lui a fait découvrir les voies anales. Même les voies du Seigneur sont impénétrables, disait. Délire a compris, c'est clair un délire que tu pourras viendra. Viens avec nous, tu verras ce qui se passera. Passer, dépasser, ça vient justement de dépasser. Mais bon, ici bas, on continue la soirée à la échéance. T'as pris quelques mots sans papier, rien à foutre de vos putains de stylos. J'ai mis dans bête. Je suis écouté. continue à chanter dans le micro. Mais non, il a dit qu'il est, mais qu'il est né. Akilele, Kamponi Showa, mais assis, assis, assis, Akilele, Akilele, Kilela. Je ne suis pas une sorte d'idéo, je suis très bas et à bas à ICO, ICO, matelot, que le pas, le mât soit haut. Oh, oh, oh, oh, vers l'horizon. Avancer dans une obsession un peu lyrique, je continuerai à prospérer dans une foi un peu lyrique. Je n'écrirai jamais mes mots, je continuerai dans l'impro. C'est ça qu'il m'a dit quand il est sorti de ses cons. À force, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, va me la chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. Et dans ce temps, on s'en ira. Putain, putain, les gars, vous délirez, y'a pas autre chose à chanter, s'il vous plaît, putain, on peut d'inspiration. Ah bah désolé, moi j'ai pas la place. C'est vers, c'est vers, arrête de faire n'importe quoi. Non mais ça n'ira jamais, une instru. Je peux pas vous parler comme ça, ça continuera avec moi. Parlons tous ensemble, allons-y, allons-y, allons-y, tous ensemble, dans une sorte de canophonique, un peu chaotique. On continuera à aller, allez, allez, allez, allez, exprimer. Allez, allez, allez, faites monter la pression, une sorte d'illusion de sociabilisation. Continuerez, continuez à vous exprimer, allez-y, allez-y, criez, hurlez, et prouvez que vous existez, allez-y, allez-y. C'est le mal qui subit, qui continue à rire, à rire, à rire, à ne pas rire. Allez, continue à dédier, à dédier ta vie à l'obscène Satan. Satan sort de son trou, son trou du cul, son trou du cul. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis intimidé à parler de suite. Satan sort de son trou, Satan dans la gueule de son voir parler. La nuit, c'est pas mal obligé de parler. Les mots deviennent une puissance cérébrale quand ils sont bien exprimés. Ah. Disciple, allez, Satan, allez, plus fort. J'ai appris à avancer mes mots. Quand je pas ma langue dans ma bouche, ça m'a fait à parler. À moi me faire peur. Crache ton voisin, crache ton venin, crache. Ta parole est une arme destructive. Crache, crache, je peux pas parler. Toutes tes idées, crache au-dessus de ton corps. Crash, jusqu'à te scratcher de ton crash. Crash, Satan te possède le corps. Le chaos râpé de notre vie à mal propre. Nous continuerons à nous maudire l'un de l'autre pour être que des vermicelle dans une soupe, vermicelle. Espèce de cheveux blancs. Ouais. C'est à toi que je parle. Ouais. Le tornade. Ouais. Laissons place à l'improvisation, s'il vous plaît. Tornade. Une tornade vertissante. Une tornade dans la télé. Une tornade de plus. Un pays dévalisé par la nature. Moi personnellement je mets pas de gasoil dans mon véhicule. Je n'ai pas affaire à ces écolos. Lolo, lolo, lolo, moi j'adore ça. J'aime le prendre dans mes bras et le mettre dans ma bouche. Car j'adore lécher le téton, téton, téton, téton. C'est un bouton, tout en béton, chantant, téton. Comme les moutons, le téton. Jusque la barrière, que tu veux sans papier, c'est un texte, un sec qui sort du sec de nos têtes. Encore une fois, c'est perplexe, c'est perplexe. Tu restes, tu continues d'écouter, tu te dis que ces gens ne sont pas nets. Et pourtant, c'est clair qu'on est bien présent. Et peu importe ce que tu penses, c'est super, c'est la droite à fesse. Tu viens nous juger, viens faire à toi quel est le tu verras. Allah Akbar. Sur terre pour prendre ta femme et la délicatement lier, déshabiller le corps pour créer ce qu'elle avait de plus beau. temps. Sa virginité immaculée se faisant projeter sur une surface rouge et sanglante. Un être déchiqueté et sans aucune idée. La fin du monde commence sur cette radio. Les ondes hertziennes polluées de vos cerveaux. Ouais, c'est clair qu'on vient en cervelé directement. On vient juste te parler. Qui s'y pas différemment. On vient s'associer à un style de son que personne ne connaît. Alors, encore une fois, c'est clair. On n'a pas besoin de renfort ou se reconfigurer le décor des quais. C'est clair qu'on vient rigoler. Qu'on doit tous marcher dans ce rail bien aligné. C'est clair que tu restes aligné. Une conformité qu'on ne pourra jamais te enlever. C'est clair, lobotomie depuis la jeunesse. Encore une fois, la faiblesse. C'est clair de slash. C'est clair qu'on vient juste lâcher. C'est clair une putain de son sans sans plus de dette, mec. C'est clair qu'ici bord on n'est pas là pour ça. Peu importe, c'est comme ça. Pousse, ouais. pousse la porte. Casse la porte, déporte-toi, c'est clair, viens exprimer, c'est clair ce que tu penses et arrête de continuer à jouer, putain d'impression, impression, encore une fois, c'est clair, je lâche l'expression, expression des mots, encore une fois, c'est clair, porte. Quoi. Pousse la porte. Allez, vas-y, pousse la porte avec moi. Poussons la porte, elle est très grande. La porte, poussez la porte avec moi. Ouvrez cette porte, qu'elle me libère. Ouvrez cette porte, qu'elle me désespère. Moi, personnellement, j'aimerais rêver, continuer à avancer. Mais non. On me tient ici, assis bas sur terre. Vivement que la fin du monde fait de moi ma libération et que je continue à être un être vivant. Non, ma vivacité n'est que la pensée de mes idées. Elle continue à tourner et circumambulation n'en fait que continuer à dériver sur un océan de passivité. Je continuerai et je continue. Ce n'est pas une sorte de verbalisation d'un concept de conjugation. Mais non, je suis une sorte d'illusion, l'être vivant de l'obscène que font les autres de moi. Je ne suis pas honnête et malhonnête car moi-même j'aimerais vivre. Et vous êtes ce qui fait de moi une sorte d'Hamlet et non pas un poète. Corps d'Hamlet et corps de poète. À ce corps, mettez-moi dans votre bouche que je jouis de mon être et de ma substance vitale. Car je suis Satan. Satan toujours l'habite. Satan restera toujours dans son matrice. Matrice matrimoniale. Maman, je t'aime quand j'étais en toi pour la première fois. Tu m'as éjaculé quand tu tords de ma lettre et tapé de moi une crêpe sur le mur d'en face. Maintenant je suis un peu taré, un peu désespéré et j'ai envie de rentrer dans ce qui était ma maison. Maison, c'est ce qu'on m'a dit. Maison, c'est de toi. De toi? Pourquoi de toi? Parce qu'il y a le premier état et le deuxième. Non! Laissez-moi vivre en liberté. Je suis un animal ensanglanté. Ne pense mais t'es pas mes plaies. Laissez-les dans la boue se dilapider. J'aimerais être un sorte de serial killer qui les met des espérances et met des vertus. La vertu fait de moi un homme, un intrus face à la société un peu détruite. Détruisez les concepts moraux. Je vous dirai de détruire tout ce qu'il y a autour de vous, surtout les bâtiments historiques, parce que les bâtiments historiques sont faits de pierres anciennes. Et nous avons un spécialiste. Les bâtiments historiques, selon moi. Oui. Et mettre des bâtiments plus récents du style 21e siècle. Je dirais 22e siècle est le meilleur. 21e siècle, des bâtiments du 21e siècle. Très avant-gardiste. Je trouve que c'est vraiment les mieux. Des pyramides de une conception fabrique. C'est l'enfer. Skywalker. Voilà, c'est la fin du monde. C'est on peut rien. C'est la merde. Dans le cul. Et non, c'est la fin de ton cul. Ah, dans mon cul. Moi, je suis cynique à ta tournade. Mais franchement, tu m'excites. Ah, c'est génial. C'est trop bon, ça. Yermat. Ah, regarde ça. Ouais. C'est quoi ton problème, démoniaque? ICO plus fort, ICO, ICO. Ils sont les plus beaux marins de France, ICO, ICO. Oui, il est breu. Mais putain, mais... C'est très bien ce que je chantais là. Ils sont les plus beaux marins de France, ICO, ICO. Donne-moi à boire, toi le marin qui a quitté le pays. Dans le tu es curieux, toi, d'avoir acheté. Sache que c'est que ça la mise n'est pas bien, n'est pas né la guerrière. Tu ne sois pas la guerrière, calme si tu vis ta vie de l'eau. Il y a des gens comprendront pas, putain, mais bon, ici, pas, faut juste rester serein, et juste avancer sur une route qu'on ne peut pas tracer, le destin, moi, je l'ai mis de côté, je préfère me lâcher, puis la chose, je verrai, c'est clair qu'ici, pas, faut arrêter de se braquer, les idées dans ta tête, ça ne fait que cogiter, alors pourquoi, quoi, moi, j'ai jeté les regrets, je demande à tout le monde de pouvoir un peu plus, quoi, c'est clair, s'entraider, on vient lâcher directement, encore une fois, simplement s'exprimer, quoi. Le monde n'est pas foutu, au contraire, un nouvel espoir peut-être est né, mon frère, et c'est clair que ce soir on va le faire renaître. Encore une fois, je fais admettre qu'ici bas y'a pas de problème, et c'est clair quoi. Putain de style, une découverte, une atmosphère nouvelle dans un monde à l'éprouvette. C'est clair, on est juste au fond de cette éprouvette, un banc d'essai dans un putain d'univers qu'on connaît même pas. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM, canalsud.net. L'émission que vous écoutiez, c'était Nuisance. Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, avec tous les invités qui nuisent au sens possible, imaginable, inimaginable, même. choses ont sens. Il n'y a pas de sens. En tout cas, ce soir, c'est sûr.